بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل الليلة ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب سجود السهو. On va finir cette nuit ce que l'auteur رحمه الله a cité dans le sous-chapitre lié à la prosternation de la distraction. فقال رحمه الله وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Selon Abdullah ibn Buhayna, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec eux, a accompli avec eux la prière du Dhuhr. Puis, il s'est levé après avoir accompli deux unités de prière. Il s'est levé après avoir accompli deux unités de prière sans s'être assis, c'est-à-dire sans avoir fait le tashahhud. Alors les gens se sont levés avec lui jusqu'à ce qu'il finisse sa prière et que là, les gens attendent son taslim, donc il a fait son tashahhud, le dernier tashahhud, et les gens attendent qu'il fasse le taslim. Alors à ce moment-là, il a fait le takbir, il a dit Allahu Akbar, alors qu'il était assis. Et il s'est prosterné, il a fait deux prosternations, avant de faire le taslim. Puis, il a fait le taslim, il a dit Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا الحديث دليل لما ذهب إليه المالكية بأن السهو إن كان في النقص كان السجود له قبل التسليم. Ce hadith est une preuve allant dans le sens de l'avis de l'Malikiya, qui est que si l'oubli dans la prière est lié à une diminution de la prière, alors la prosternation de la distraction sera faite avant le taslim. وذكرنا جمعا طيبا بين قول الإمام مالك وقول الإمام أحمد. Et on a cité une parole qui permet de rassembler les deux avis, l'avis de l'imam Malik et l'avis de l'imam Ahmed. Quel est cet avis? Quelle est cette parole? On rassemble les deux avis, celui de l'imam Malik et celui de l'imam Ahmed. Là, c'est le troisième et dernier cours là aujourd'hui là sur ce sujet de ça. Non, on rassemble les deux avis. Najma Abin al-Kawlein. Imam Safi. Là. Le joueur des Kawlein, c'est que le prophète, sur sa main, il l'a fait à un moment moyen. Il l'a fait à ce moment-là. Mais si il ne l'a pas fait, vraiment, on s'est trompé, mais que le prophète ne s'est pas trompé sur ce moment-là, on applique la parole du Imam Malik. Non. Et donc, on rassemble les deux avis en disant que les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, a fait la prosternation de la distraction, alors nous le faisons comme lui, il l'a fait pour ces raisons-là. Si maintenant, nous devons nous prosterner pour une raison dont cela ne nous a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, à ce moment-là, on penche vers l'avis de l'imam Malik, qui est que si c'est un rajout dans la prière, on se prosterne après taslim. Si c'est une diminution, on se prosterne avant taslim. Donc, pour la prosternation, la distraction. Et comme on a dit, wa ala kullin as-salatu sahiha, sawa an sajada al-mar'u qabla at-taslim aw ba'dahu. Et comme on a dit, dans tous les cas, la prière de la personne est correcte, même si elle a fait la prosternation de la distraction avant le taslim ou après. والحديث دليل على أن التشهد الأول والجلوس له ليس من الأركان وإنما هما من الواجبات لأنه لو كان ركنين ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود لهما فحسب. Et le hadith, c'est aussi une preuve qui montre, ce hadith-là est une preuve qui montre que la première, le premier tashahhud, lors de la prière, le premier tashahhud est une obligation, mais ce n'est pas un pilier. Parce que si c'était un pilier, parce qu'ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié le premier tashahhud et l'assise pour le premier tashahhud. Il les a oubliés tous les deux. Si c'était des piliers, le prophète, il ne se serait pas suffi de faire la prosternation, la distraction à la fin. Mais il aurait dû refaire l'unité de prière avec le tashahhud à la fin. Est-ce que c'est compris? Et donc ça, c'est impératif de comprendre ça. Et donc le tashahhud al-awwal n'est pas un pilier, mais c'est une obligation de la prière. Wa yu'khadhu min al-hadith anna as-sujud lis-sahwi la yata'addadu bita'addudi as-sahw fi as-salat. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد والجلوس له ولم يسجد إلا سجدتين. Et aussi on peut tirer du hadith que le nombre de prosternations de la distraction n'augmente pas en fonction du nombre de distractions qu'il y a eu dans la prière. Tu peux avoir plusieurs oublis durant la prière, à la fin tu n'auras que deux prosternations de la distraction à faire. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé, il a oublié deux éléments, pas un. Il a oublié le tashahhud et il a oublié l'assise du tashahhud. Ce sont deux obligations qui sont distinctes. Et or, à la fin du hadith, le prophète, il n'a fait que deux prosternations. Il n'en a pas fait quatre. وَأَيْضًا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ وُجُوبُ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَامَ عَنِ التَّشَهُدِ وَاسْتَمَرَّ فِي ذَلِكِ. Et aussi, on peut tirer de ce hadith le caractère obligatoire quant au fait que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il lui est obligatoire de suivre l'imam lorsque cet imam oublie le tashahhud et qu'il se lève et qu'il continue dans cela. L'imam, il s'est levé pour le tashahhud. Pendant qu'il se lève, des gens ils disent « Subhanallah », trop tard, il s'est levé, il continue la prière. Il est obligatoire aux prieurs, à ceux qui prient derrière lui, de se lever avec lui et de continuer la prière avec lui. Comme l'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma in tadhakkara al-imam qabla an yastatim qa'iman fa hina idhin yarji'u ila at-tashahhud. Cependant, si l'imam il se rappelle pendant qu'il se lève de la deuxième unité, il se rappelle pendant qu'il se lève, mais avant qu'il soit totalement debout, pendant qu'il est en train de se lever, il se rappelle qu'il a oublié le tashahhud. Alors là, il redescend pour faire le tashahhud. Et ensuite, après, il continue la prière. لكن هذا كذلك لا دليل عليه لأنه انتقل إلى ركن آخر فقام فيحتاج للدليل حتى نقول بالرجوع. وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب لم نذكرها لأن المؤلف رحمه الله اكتفى في هذا الباب بذكر حديثين. Il y a beaucoup de sujets concernant, il y a beaucoup de points concernant ce sujet qu'on n'a pas cité. Parce que l'auteur, rahimahullah, il s'est suffi dans ce sous-chapitre de citer deux hadiths. فَلَعَلَّنَا نَذْكُرُ بَعْضَ الشَّيْءِ دُونَ إِطَالَةٍ إِنْشَاءَ تَعَالَى. Et donc on va essayer de citer certains points sans pour autant faire long, inshaAllah ta'ala. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. L'imam muslim a cité dans son sahih, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous doute durant sa prière et qu'il ne sait plus s'il a accompli trois ou quatre unités, alors qu'il rejette le doute, alors qu'il délaisse le doute, et qu'il se base sur la certitude. Il se base sur la certitude, c'est-à-dire le plus bas nombre. Il ne sait pas s'il a fait 3 ou 4, alors il se base sur la certitude, c'est qu'il a fait 3. فَلْيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. Et donc il se base sur la certitude. Puis, il accomplit deux prosternations, donc ce sont les prosternations de la distraction, puis il accomplit deux prosternations avant de faire le taslim. Et si en tout il aura fait 5 unités de prière, si en tout il avait fait 5 unités de prière, alors cet aslim-là, en fait, ces prosternations de la distraction vont permettre de rendre sa prière paire. Parce qu'avec 5 unités, elle est impaire. Maintenant, la prière devient donc paire. Et s'il avait effectivement fait 4 unités de prière, ce qui lui était demandé à la base, alors ces prosternations de la distraction seront des éléments permettant de dépiter le diable. فَإِنْ كَانَ الْإِنسَانُ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ شَكًّا لَيْسَ فِيهِ تَرْجِيحٌ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ أَيْ عَلَى الْأَقَلِ. Et donc si la personne elle a un doute durant sa prière, mais un doute qui ne lui permet pas d'avoir un avis plus prépondérant. Tu pries, tu as un doute, c'est la deuxième ou la troisième. Tu n'arrives pas du tout à savoir, est-ce que c'est plus deux ou trois. Tu n'arrives pas du tout à savoir. À ce moment-là, tu te bases sur la certitude, c'est-à-dire que c'est deux. Et tu continues ta prière. Et c'est ça qu'on appelle le fait de se baser sur la certitude. Tu te bases sur le plus petit nombre. أما إن كان الإنسان يشك في الصلاة أصلى اثنتين أم ثلاثا فترجح عنده أنه صلى ثلاثا فلا يقال له إنه يبني على اليقين أي اثنتين وإنما يبني على ما ترجح لديه. Par contre, si la personne elle a un doute, est-ce qu'elle a fait trois unités ou deux, mais elle pense plus qu'elle a fait trois unités. Je pense plus que j'ai fait trois unités. À ce moment-là, on ne va pas lui dire tu te bases sur la certitude et donc tu te bases sur le fait que tu en as fait deux pour terminer ta prière. On va lui dire non. Là, tu te bases sur les trois parce que là, tu penches plus vers le fait que tu as fait trois unités de prière. Et donc, il va se baser là, ici, il ne se base pas sur la certitude, mais il se base sur cet avis vers lequel il penche le plus. Et quelle est la preuve de cela? C'est le hadith d'Ibn Mas'ud dans Sahihayn. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a kol wa idha shakka ahadukum fi salatihi fal yataharra sawab fal yutimma alayh thumma liyusallim thumma yasjudu sajdatayn. Dans Sahihayn, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous a un doute, alors qu'il s'efforce de chercher la vérité. Est-ce que tu en as trois ou quatre, ou est-ce que tu as trois ou deux unités? Il s'efforce de chercher la vérité. Puis il se base sur celle-ci. Il se base sur celle-ci. Et ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il fait le taslim, et puis il fait deux prosternations, c'est-à-dire les prosternations de la distraction. Qu'est-ce que vous remarquez ici concernant la prosternation? Il l'a fait après. Après taslim. Et le hadith précédent, concernant le doute toujours, il a dit فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمْ. Il a dit alors qu'il fasse deux prosternations avant de faire le taslim. Et donc on a deux cas différents. Fichek. Concernant le doute, on a deux cas différents. الْحَالَةُ الْأُولَى الْحَالَةُ الْأُولَى أَنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْتَ لَا تَدْرِي لَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَكَ شَيْءٍ لَدَيْكَ شَيْءٍ. Première situation, tu as un doute et tu n'as aucun avis prépondérant. Aucun avis prépondérant, tu vas te baser sur la yaqin, sur ta certitude, c'est-à-dire le plus bas nombre. À ce moment-là, la prosternation, la distraction, tu l'as fait avant taslim. Tu l'as fait avant taslim. Deuxième situation, tu as un doute durant la prière. Tu as un doute, mais là, tu penches plus vers le fait que tu as trois unités de prière que tu as déjà faites. Ou alors, tu es en train de faire la quatrième. Tu penches plus vers une situation précise. Là, à ce moment-là, ta prosternation de la distraction, tu l'as fait après taslim. Et donc, on a deux cas différents concernant le doute. وَعَلَى كُلِّ حَالْ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ سواء سجد قبل أو بعد التسليم والكلام هنا على الأفضلية. Mais dans tous les cas, comme on l'a dit précédemment, la prière de la personne, elle est correcte. Elle est correcte qu'elle se prosterne avant ou après le taslim, car ce qui est voulu ici, c'est الأفضلية, ce qui est mieux. وهنا مسألة أحب أن أختم بها. أحب أن أختم بها لوقوع كثير من إخواننا في هذا الخطأ. Il y a un dernier point avec lequel je voudrais finir le cours. À cause du grand nombre de nos frères qui tombent dans cette erreur. سئل الإمام ابن باز رحمه الله دخلت المسجد دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتني بعض الركعات وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككت في عدد ما فاتني من الركعات فاقتديت وتابعت بالمأموم الذي بجواري لأنني دخلت وإياه إلى المسجد سويا فسرت أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيت ما فاتني ولم أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت وهل علي شيء. Le Cheikh Ibn Baz, l'imam Ibn Baz rahimahullah, il a été interrogé. La personne, elle dit, je suis rentré à la mosquée pour accomplir la prière du Dhuhr. Et certes, j'avais raté quelques unités de prière. Et donc, après que l'imam ait fait le taslim, et après que je me sois levé pour rattraper ce que j'ai raté, j'ai eu un doute concernant le nombre d'unités de prière que j'avais ratées. Alors, j'ai suivi la personne qui priait à côté de moi. Parce que lui et moi sommes rentrés à la mosquée en même temps. Et donc, je m'inclinais après lui et je me prosternais après lui jusqu'à ce que je finisse. Et je n'ai pas fait la prosternation de la distraction. Quel est donc le jugement de la législation concernant ce que j'ai fait? Et est-ce que je suis blâmable en cela? La personne qui prie, elle ne sait plus où elle en est. Elle fait quoi? Bah attends, je vais regarder l'autre qui est à côté. Est-ce qu'il rajoute une raka'a ou il ne rajoute pas? Il ne rajoute pas, c'est bon. C'est que c'est ça. Attends, il y a deux personnes à côté. De toute façon, on est trois à avoir raté. On a tous commencé en même temps. Je regarde ce qu'eux, ils font. Et je me base sur ce que eux, ils ont fait. Et voilà. Combien de personnes tombent dans ce piège? Combien de personnes tombent dans ce piège? La personne, elle pose cette question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz, il répond: Al-wajibu ala al-muslim fi mithli hadhihi al-hal an yabniya ala al-yaqin فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. Et donc il dit l'imam Ibn Baz, ce qui est obligatoire aux musulmans dans cette situation, c'est de se baser sur la certitude. Si il a donc un doute, il ne sait plus est-ce qu'il a accompli une ou deux unités de prière, alors il se base sur le fait qu'il a accompli une unité, et ensuite il continue la prière, puis il fait une prosternation. Il fait donc deux prosternations de la distraction avant le taslim. فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل التسليم. Et si par contre il a un doute, est-ce qu'il a fait deux ou trois unités de prière avec l'imam? Alors à ce moment-là, il va donc se baser sur le fait qu'il a fait deux unités, la certitude, le plus bas nombre. Il se base sur le fait qu'il a fait deux unités avec l'imam, puis il continue sa prière et il accomplit deux prosternations pour la distraction avant de faire le taslim. Lima thabata an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min hadith Abi Sa'id an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla thalathan am arba'a falyatrah ash-shakk وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. Et donc il continue le cheikh, il nous dit la preuve de cela. Donc le hadith de Abi Saïd qu'on a lu tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque l'un d'entre vous a un doute durant sa prière, il ne sait plus s'il a accompli trois ou quatre unités, alors qu'il rejette le doute et qu'il se base sur la certitude, puis il accomplit deux prosternations avant de faire le taslim. Si il a accompli cinq unités de prière, alors ces deux prosternations vont permettre de rendre sa prière paire. Et s'il avait accompli quatre unités de prière, alors ces deux prosternations vont être une façon de dépiter le diable. Le cheikh, il continue, il dit: أخرجه مسلم في صحيحه. Le hadith a été rapporté par Muslim dans son sahih. Et il dit: وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه. وفق الله الجميع لما وفق الله الجميع لما يرضي انتهى. Et donc le cheikh, il finit en disant: et donc en se basant sur cela, il t'incombe de recommencer cette prière que tu as citée, car tu ne l'as pas accomplie de la façon demandée dans la législation. Et le fait que tu aies suivi cette personne qui est rentrée dans la prière en même temps que toi, on ne se base pas sur cela. Qu'Allah accorde la réussite à tous pour ceux qui l'agréent. Fin de citation. Et donc, combien de personnes sont tombées dans cette erreur? On se base sur le fait que les gens qui sont à côté de nous, combien ils ont fait de raka'at, tu te dis: bon, Inch'Allah, de toute façon, ils sont trois. Si les trois, ils sont comme ça, c'est que c'est sahih. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit: si je ne sais pas combien, fais-moi al-yaqin, fais-moi al-mastaykan. Alors il se base sur la certitude, le plus bas nombre. Et ensuite il continue sa prière. Tu ne te bases pas sur ce que les gens ont fait. Si ça se trouve, les trois, ils se sont trompés. Les trois, ils se sont trompés. Le prophète, il t'a donné une solution. D'où l'importance d'apprendre les règles de la prière. Comment on fait la prière pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur? On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et demain, un nouveau chapitre, bi'idhnillahi ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفيكم بارك الله